pourquoi parler au monde entier? Pourquoi parler à des âmes égarées? Je pourrais croire qu'il y a un espoir. Les vies ont guéri du mal qui les ronge. Mais d'ici là, la médecine fera son business et gagnera comme les pompes funèbres. Des thunes là-bas, on croit tant qu'on n'y est pas, tout va mieux que là. Mais c'est pareil partout, la soif de l'argent, la soif du pognon. Quand on voit ce qu'on pourrait faire avec ça. Et tout ce qu'on ne fait pas sans ça. Pourquoi parler à ces gens qui n'écoutent pas? Pourquoi parler au fond à des murs qui ne changeront pas? J'y ai pourtant cru, putain. Putain, mais pourquoi tous ces êtres corrompus qui se noient? J'irai pas demain, j'irai plus. Je suis mort déjà. Je ne crois plus en rien et l'amour. Pas venu, il s'est égaré. Il a disparu, il s'est envolé. Qu'est-ce que je fais moi ici, ici bas, attendre l'eau, l'au-delà, et un jour tout. Tout ça séchera. Un jour, tu vois, plus personne ne sera là. Sera là pour toi, pour moi et toi. Est-ce que tu seras là pour quelqu'un d'autre que toi? Pas, il y a fort à faire. Il y a fort à parier que d'ici là, que le monde change. Thank you. toi. Toi et moi, on ira jamais. Jamais. On n'aura jamais eu le temps d'être en phase avec soi. Toi et moi, on n'aura jamais eu le temps d'être en phase avec soi. Pourquoi parler à des êtres? Pourquoi parler de tout ça? C'est la fin de notre aventure, la fin. Plus de pellicule, plus de batterie dans la caméra. Le générique est fini, faut rentrer chez soi, mais tout seul dans ses draps. On rêvera, on rêvera, on en rêvera à tous ces endroits. De beau, de bon, le meilleur qui soit, soit dit en passant juste là-bas, que y croire, que mieux qu'ici, là-bas, dans l'histoire, il n'y a que le début. Il n'y a que le début qui va. Le début toujours. Lui, il va. Thank you.